Ouais. Banlieue S, 94, ZZ, 11h10, faut que je big au FOX. C'est la ZZR dans le coin, y'a plus de chill. Y'en a qui veulent et ils attendent, faut servir. Allô, monsieur Fox, c'est qui tu sais, gros? Ouais, ouais. J'viens de toucher un match, top Michto. Faut qu'on se rôde avant de spi, où est con? Si tu peux maintenant ou tard, plus si t'as pas le temps. Si, si, Mister Skunk, ouais, j'suis ok, vu qu'on est au fond d'elle, on va pas trop jacter. Y'a de la friture sur la ligne, mec, ça sent les RG. Depuis un certain temps, ouais, j'me sens menacé. Mais comment faire avec cette larpa, dis-moi? Comment faire avec cette larpa? Il me sent, il me voit, il me lâche pas. À croire que je mesrine, j'en la tape pas. Transat, qu'on fasse du bif et qu'on se casse sous sa transat. À Miami, au Mexique, enfin fini le bat, nique la batte. Un de mes potes, quand y'a des thunes, nous, on fera pas la combat. Transat, qu'on fasse du bif et qu'on se casse sous sa transat. À Miami, au Mexique, enfin fini le bat, nique la batte. Un de mes potes, quand y'a des thunes, nous, on fera pas la combat. Transat, à London, transat. Même à Kingston, transac. La Réunion, transac. Haïti, transac. Guinée-Conakry, transac. Même au Mali, transac. Ouais, tu sais, c'est la transac. Ok. J'suis à ma planque, un box pas loin d'ici. Sur la route, lâche un vintox qui me chauffe imbécile. Faut être précis, surtout à cette heure-ci. Wesh, même si y'a son père, ça sent le ville si. J'arrive pile au RDV, RAS, que des boîtes chifflards à perte de vue. J'guette le F, le O, le X qui déboule vite. On dit quoi, wesh, ma gueule, est-ce que c'est cool? Ouais, c'est cool, ouais, c'est cool. RDS, conque, j'ai la maille, si t'as des doutes, vas-y, compte. Et au fait, j'espère que ton truc c'est de la frappe, vu le tarot que c'est. Dis-moi que la dope vient de ta, vient de ta. Tu sens pas, ça sent le poulet. J'me disais que c'est raclo, ils étaient suspects. Deux guerres et un douin, du genre on est en chien. S'ils veulent quelque chose, on a rien. Transat, qu'on fasse du bif et qu'on se casse sous un transat. À Miami, au Mexique, enfin fini le bat, nique la batte. Un de mes potes, quand y'a des thunes, nous, on fera pas la hombat. Transat, qu'on fasse du bif et qu'on se casse sous un transat. À Miami, au Mexique, enfin fini le bat, nique la batte. Un de mes potes, quand y'a des thunes, nous, on fera pas la hombat. Transat. Alors, c'est du bon ou quoi, mon vieux? Hein, franchement, t'es transat. Mort, elle est belle, Narvalo. Ça, c'est de la dope. Là, que moi, je me suis pris la tête en plus, mon frère. Et sans faire craver, Narvalo, en venant, hein, j'ai vu Draclo chelou là. Ouais, devant comment les idées là. Je t'ai dit deux boueurs et un douin dans Wallon. Ouais. Ils sont chelous à mort. Tout à l'heure ils yeux de vernis. Ah, on est là-bas, là. C'est eux là-bas là. Eh, ils viennent vers nous. Ils viennent, vas-y, viens, on s'arrache là. On s'arrache direct. Vas-y, on s'arrache. Il est lourd, il est lourd. Il me ralentit, mec, ça se passe dans la tête. Si je m'arrête, c'est fleuri. Je le savais, ces derniers temps, je me sentais pisté. Mais qui est le bâtard qui nous a mouché? Je passe par les égouts à la sprint, j'arrive. J'appelle un collègue pour le dire, j'arrive. Prépare le bestio, ils sont beaucoup, ils sont trop. Je veux pas finir derrière les barreaux. Putain de merde, mais Air Max c'était fraîche. Mais bref, j'quête une brèche en mode d'esquille et saltec. Pas moyen de se faire les yaves par les bleus. 22, j'fais des feintes magiques, le numéro 32. Dans la course, j'ai fait de béton un piston. Pas michto, mais j'préfère dormir à la caire, fiston. Trace dans les feuillages, escalade les grillages. Chelou c'est Schmitt, j'crois qu'on s'est fait poucave.